Et Denise a déjà dit pourquoi on s'attardait au thème de la communauté, parce que hein, c'est ce que nous sommes, une communauté chrétienne. Et puis, donc, on va juste faire un petit survol de ce qu'on a déjà vu par rapport à la communauté. Le thème, c'est si ma communauté, si mon Église est une communauté, pourquoi je me sens isolé, seul, parce que ce n'est pas le but de la communauté. En fait, on a fait la lecture à plusieurs reprises du psaume 133. En fait, on a vu des tas de définitions de la communauté, parce qu'on a vu que dans le psaume 133, David donne quatre définitions de la communauté. Premièrement, que la communauté spirituelle est bonne et agréable. C'est quelque chose de bon, la communauté. Mais je résiste à l'appel à la communauté parce que, par nature, je tends à l'isolement. Hein, c'est naturel pour l'humain qu'on s'isole. Puis là, on dit, hein, j'ai souvent vu des gens dire, « Je ne comprends pas, tu ne m'appelles pas. Hey, »« Mais l'as-tu appelé, toi? » »« Non, bon, ben, tu sais, comme j'ai de mes amis, parfois, tu m'ont dit, « Genre, tu ne m'as pas appelé. »« Oui, mais m'as-tu appelé, toi? » »« Non, bon, alors c'est quoi le problème? Hein? » En fait, par nature, on tend à l'isolement, puis on blâme les autres. Donc, c'est les autres. Hein? C'est pas moi, c'est les autres. Deuxièmement, la communauté spirituelle est une expérience fraternelle, hein, parce que David nous parle des frères, qui est le doute pour des frères de demeurer ensemble. Alors là, on a dit que l'Église était un lieu et un espace de pleine acceptation, un time-out, hein, un time-out où on ne se juge pas, on ne s'évalue pas les uns des autres. C'est un lieu d'acceptation. Alors la communauté chrétienne inclut les frères et les sœurs, mais je suis tenté de les rejeter en raison de leur imperfection, comme si moi j'étais parfait. Hein? Troisièmement, la communauté spirituelle, c'est d'habiter ensemble. La communauté chrétienne en phase la relation permanente, physique et matérielle. Il y a une proximité. Mais je suis tenté de la spiritualiser. Hein? Hier soir, j'étais avec des amis qui spiritualisait justement la communauté, qui ne voit pas le besoin de faire partie d'une communauté. Enfin, la dame, oui, moins le mari. Mais c'est ça, ils sont en recherche d'une communauté. Mais c'est ça, on spiritualise. Hein? J'appartiens à la grande communauté spirituelle. Je suis tenté d'être égoïstement sélectif et exclusif. C'est ça, je suis sélectif, je cherche une communauté parfaite, mais du moment que je m'y joins, elle devient imparfaite. Mais je suis tenté de faire fonctionner des programmes au lieu de développer et nourrir les relations. Parce qu'on hein, a en face de ça, donc, la communauté, c'est relationnel. Hein? Ce n'est pas des programmes. On va en avoir des programmes, il y a des projets. On veut faire des projets pour... être en lien avec la communauté aussi bien que hein, nous-mêmes. Je ne sais pas, les beaux mercredis ou les beaux vendredis, ou, hein, c'est des projets. Mais premièrement, d'abord et avant tout, c'est relationnel. Hein? Et puis ceux qui viennent au beau mercredi, hein, vous savez comment ça se passe. Je ne suis pas allé au vendredi, mais je suis sûr que c'est la même chose. C'est très relationnel. Hein? Que les gens parlent et puis on laisse de la place pour tout le monde de s'exprimer. C'est très relationnel. Parce que c'est ça la communauté, c'est vivre ensemble, on est ensemble. C'est important, on peut comprendre que hein, parfois, pour X, Y raison, on ne peut pas tout le temps être assidu à la communauté. Mais c'est une remarque que je faisais au conseil, que je trouvais que peut-être en 2009, il me semble que les gens étaient moins assidus. Hein? L'assiduité à... Parce que c'est ça la communauté, c'est être ensemble. Si j'appartiens à la communauté, ben à quelque part, je ne vais pas venir seulement une fois par mois ou une fois par trois mois. Ou, hein, comme certains qui vont venir, qui vont aller à l'église à Noël puis à Pâques. Mais la communauté, c'est plus que ça. Hein? C'est la relation. Il faut être ensemble. Puis quatrièmement, on a vu que la communauté spirituelle est un cadeau de Dieu. Puis encore là, si la communauté spirituelle est un cadeau, mais je me sens isolé ou frustré parce que j'essaie impatiemment de la créer, cette communauté-là, à mon image. Je veux qu'elle soit comme moi. Je la crée. J'essaie de la façonner, puis hein, ça ne marche pas. Ou bien non, de la contrôler. Contrôler, hein. Alors, je mets des pressions. Alors qu'un cadeau peut simplement être reçu. Hein. On reçoit un cadeau. Et David en phase dans le psaume 133, que la communauté est un cadeau de Dieu. Un cadeau qui doit être reçu. Ce matin, on regarde trois effets, rapidement, d'apprendre à vivre ensemble dans l'unité. David nous a donné quatre définitions. Maintenant, dans le psaume, on va essayer de dégager trois avantages, trois effets d'apprendre à vivre ensemble dans la communauté. Premièrement, David indique que la communauté chrétienne a les mêmes qualités ou les mêmes effets que l'huile d'onction qui consacrait Aaron, le grand prêtre, pour son service dans le temple. Hein? Là, ce que David dit, que hein, vivre ensemble, c'est comme l'huile qui descend sur, hein, qui est versée sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe, et ensuite hein, sur les pectoraux. Hein? Donc, un des effets, le premier effet de vivre ensemble est comparé à ses qualités de l'huile ou l'effet de l'huile. J'aime un autre diapo, s'il te plaît, Christine. La version Louis Sedon va traduire « C'est comme l'huile précieuse ». La semence dit « C'est l'huile parfumée », parce que c'était une huile parfumée. La colombe va dire « C'est comme l'huile la meilleure », parce que le texte hébreu se prête à toutes ces traductions-là. Hein? Okay? Une autre version va dire « C'est l'huile sainte okay? ». Donc, cette image de l'huile est tirée du livre de l'Exode. Alors que Dieu va donner des directives à Moïse par rapport à l'ordination, la consécration du grand prêtre Aaron, si bien que hein, ses fils, puis il y aura une façon de procéder. Donc, pour entrer en fonction, pour faire le service dans le tabernacle et le service envers le peuple, il devait être consacré, mis à part. Et cette consécration-là s'effectuait par l'onction de l'huile. Prochaine. On a une image là de Moïse qui va oindre Aaron et ses fils de l'huile de l'onction. Et là, Dieu va dire dans l'Exode 30, verset 25, « Tu feras une huile d'onction sainte, un baume odorant fabriqué par un parfumeur. Ce sera une huile sainte pour l'onction. » Une huile qui devait servir que pour l'onction. Maintenant, cette huile s'appelle sainte parce qu'elle signifiait par son aspersion que tel objet ou telle personne était désignée à une tâche particulière. On a chanté tantôt « Tu es saint », c'est ça, hein? « Tu es saint, nanana. » Et je me disais, quelle image avez-vous quand on dit le mot « saint »? Tu es saint. Pour plusieurs, je ne prendrai pas le temps de prendre des réponses ce matin, parce que le temps est un facteur, on a la Sainte Cène après. Mais bien des gens ont l'image que quand on dit le mot saint, on dit intouchable. Hein? Dieu est saint, Dieu est intouchable, Dieu est loin, Dieu... Oh, Dieu de trois fois saint, puis... Hein? On tremble, et puis... On est rendu loin. Hey, t'approches pas Dieu, hein? Alors que le mot ne veut pas dire ça. Le mot « saint » veut dire être mis à part, être séparé pour. Dieu est saint par le fait que Dieu se sépare pour nous. Il se met à part pour nous. Dieu, hein, il s'est tellement mis à part pour nous qu'il est mort pour nous autres. Hein? Tellement, là, hein, qu'il a voulu se mettre à part pour nous autres. Ben, en retour, nous, l'huile sainte, là c'est éloigner quelqu'un avec l'huile sainte. Donc, c'était pour désigner que cette personne-là était mise à part pour une fonction particulière. De même que le tabernacle devait être oint. Tous les ustensiles du tabernacle devaient être oints avec cette huile-là. Pour désigner que cet ustensile-là, cette tison-là, l'autel, ne devait pas servir à faire tuer du barbecue pour la famille, mais l'autel servait pour offrir le sacrifice à Dieu. Il y avait une désignation. En fait, l'huile servait à ça, à désigner, à mettre à part pour une tâche particulière. Donc, on la désignait comme une huile précieuse aussi, parce que c'était une huile d'une grande valeur, très coûteuse à fabriquer, à élaborer. La recette est donnée au chapitre 30 de l'Exode pour la préparation de l'huile d'onction. Maintenant, les exégètes, ce sont ceux qui étudient le texte biblique, et puis dans toutes ses origines, ses nuances, etc. Les exégètes ne sont pas tous unanimes, à savoir si la recette qui est donnée dans l'Exode 30 était pour uniquement un seul prêtre, ou si c'était une préparation qui servait à plusieurs usages par la suite. Mais certains penchent vers le fait que la recette qui est donnée devait servir pour un seul prêtre. On va y revenir plus tard, par rapport à ça. Mais la préparation nécessitait 12 livres de myrrhe liquide, 6 livres de cannelle moulue, 12 livres de casse, 1 gallon d'huile d'olive et 6 livres de sucre parfumé de canne, tout mélangé ensemble. Ce qui faisait une huile parfumée coûteuse, ça coûtait cher à l'élaborer cette huile-là. Enfin, c'est pourquoi que certaines versions de la Bible vont traduire huile précieuse, l'huile sainte, l'huile parfumée. Donc, on peut imaginer, on est en train de faire une comparaison, il y a un symbole, une métaphore, Imaginez l'arôme de cette huile parfumée. L'odeur qui devait s'en dégager, qui influençait tout l'entourage. Avez-vous déjà été en présence de quelqu'un qui se met trop de parfum? Mon collègue était comme ça. Je sais. Je ne lui ai pas dit encore qu'il s'en met trop. C'est comme trop, c'est pas assez. C'est pas assez, oui. Trop, c'est comme pas assez. Et puis, mais c'est ça, Mais quelqu'un qui se met beaucoup de parfum, ça remplit toute la maison, Et puis, on peut s'imaginer, donc, lorsqu'on oignait, on se servait de cette huile-là pour oindre le prêtre, le grand prêtre, les ustensiles, tout ça. L'odeur apaisante, même si c'est trop de parfum, c'est quand même bon à sentir. Dans les Écritures, l'huile est un symbole ou un signe de la présence de Dieu. Symbole de l'Esprit de Dieu au travail. On pense, par exemple, à Jacques qui va dire, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, qui le oindront d'huile au nom du Seigneur Jésus, et le malade sera guéri. Si la famille qui a péché, ils lui seront pardonnés. Okay? Ce qui me rappelle une histoire, je vais vous raconter, vitement. Ça se passe il y a plusieurs années, il y avait un prédicateur qui s'appelait Luc Hossec, qui travaillait avec les Gitans en France. Alors, les Tiganes, les Gitans, des nomades qui se promènent au travers de l'Europe en roulotte, puis d'une ville à l'autre. C'est des gens très simples. Parfois, ils n'ont pas beaucoup d'éducation, parce qu'étant donné qu'ils voyagent d'une ville à l'autre, les enfants ne vont pas à l'école, puis etc. Ça fait qu'avec leur simplicité, donc le frère de Hossec raconte comment il évangélisait ces groupes-là de gitans. Et puis, à un moment donné, une grand-mère de la famille était malade. Et puis, alors le frère de Hossec, étant donné qu'il voyageait un peu partout, il avait nommé des anciens, par rapport à... parce qu'ils étaient devenus chrétiens, il avait nommé des anciens. Ça fait que là, la grand-mère était malade. Ça fait que là, ils ont lu, hein? Ils ont lu dans Jacques. C'était un malade, qui appelle les anciens de l'Église. Ça fait qu'ils ont dit, OK, bon, le tel du groupe était le plus vieux dans la foi. OK, viens. Ça fait que là, tu vas voir la grand-mère d'huile. Et puis, dans leur simplicité, hein, ils ont pris un galon d'huile, ou une bouteille d'huile, je ne sais plus si c'était un litre d'huile ou un galon, hein, mais ils ont pris la bouteille, hein, ils ont versé sur la tête de la grand-mère, et la grand-mère a été guérie. Hein, c'est le résultat qui est important. Hein? Mais c'est ça. Donc, l'huile était quand même symbole de la présence de Dieu, symbole de l'action de Dieu. L'huile a aussi des propriétés, hein, médicinales. On pense par exemple à une huile de massage. Est-ce que vous vous êtes déjà fait masser? Avez-vous déjà eu un massage par un vrai masseur? Tu sais? Moi, quelqu'un m'a payé un jour, m'a payé un massage. J'ai dit, genre, voilà, c'est ton cadeau de Noël, va voir un masseur. Et puis il m'a dit, écoute, après le massage, là, il dit, prends pas d'engagement, prends pas de rendez-vous, rentre chez vous, et puis trouve-toi un bon bain, puis ensuite, va te coucher, tu vas passer une belle nuit. Hein? Mais se faire masser pendant une heure et demie, hein? Une heure et demie avec de l'huile parfumée, hein? Si jamais vous avez une idée de me faire un cadeau. Mais ça fait du bien, hein? Les propriétés de l'huile médicinale. L'huile élimine également la friction, hein? On s'en sert, hein? À tout usage. Dans les moteurs, entre autres, pour lubrifier les pièces, les empêcher de frotter l'une contre l'autre. L'Esprit de Dieu a une qualité merveilleuse de chaleur, de facilité, qui peut faire de sorte que la communauté chrétienne, de par l'action de l'Esprit, hein, de l'Esprit de Dieu en nous, au milieu de nous, la chaleur t'amène l'Esprit de Dieu. Aussi bien que la facilité dans les relations qu'il devrait amener, devrait faire un contraste avec la froideur qu'on retrouve dans le monde, puis la dépersonnalisation dans le monde. Hein? Est-ce que vous, dans la société, est-ce que vous êtes souvent dépersonnalisé? Hein? Oui, hein? Dans le système, que ce soit le gouvernemental, le système commercial, la banque, on est des numéros. Hein? T'appelles, te plains, il n'y a plus personne qui te répond, c'est un peser sur un, peser sur deux, trois, tu sais, puis... Tu dis, mais je veux parler à quelqu'un, tu sais. Puis, on est, hein, c'est dépersonnalisé. La communauté chrétienne devrait être le contraire de ça. L'Esprit de Dieu devrait faire de sorte qu'il amène une chaleur puis une facilité. Je reviens au fait que l'huile était versée avec libéralité. Si j'aurais voulu apporter un galon d'huile d'olive et demander à un volontaire qui aurait reçu un galon d'huile sur la tête, hein? Puis là, qu'est-ce qu'on aurait vu? Je me suis dit, il n'y a personne qui va vouloir se prêter à cet exercice. Michel? T'aurais dit oui? Je suis sûr que t'aurais dit oui, Michel. Mais on s'imagine, prochaine, s'il te plaît. Ah, oui, c'est bon, c'est celle-là. Alors, on s'imagine l'huile, hein, qui descend sur la barbe, puis ensuite sur le pectoral que le souverain sacrificateur portait. Sur ce pectoral étaient inscrits les 12 tribus d'Israël, les 12 noms des 12 tribus. C'est un symbole. Tiens, on souligne le symbole de l'huile de l'Esprit de Dieu qui unifiait chacune des 12 tribus. On se rappelle, on en a parlé au début, hein, comment que les 12 tribus d'Israël, là, c'était pas l'harmonie totale. Hein? Vous vous souvenez qu'on avait voulu même éliminer une tribu au complet? Hein? Et là, il y a ce symbole de l'huile qui unifie tout ça, malgré les différents. Ben, la bénédiction de Dieu, hein, n'est pas limitée à un petit groupe de choisis. Denise le parlait tantôt à quelques personnes. L'onction n'est pas limitée au conseil d'Église ou à quelques personnes plus spirituelles que d'autres. Mais l'huile se répand sur tout le monde. C'est tous. Toutes les personnes de la communauté. Cette action de l'Esprit va nous unifier de plus en plus dans la mesure où nous permettons à l'Esprit de Dieu d'opérer parmi nous. Reconnaître son action. Reconnaître. Tu sais, il y a des gens qui vont dire parfois, mais je suis fait comme ça. Hein? Laisser des frictions, on ne s'entend pas. Puis, ouais, mais moi, on devrait reconnaître l'action du Saint-Esprit. Qui nous amène à une autre réponse de ça. Les opérations du Saint-Esprit sont rarement fracassantes. Comme l'huile, l'Esprit agit avec douceur. Alors que l'huile d'onction était répandue sur cet homme, sur le grand prêtre, le mettant à part pour le service spécial du sacerdoce, ben, vivre la communauté signifie voir l'huile circuler sur le corps entier de nos frères et de nos sœurs. C'est ça aussi. Voir l'huile qui circule sur le corps entier de mon frère et de ma sœur pour son service. Je pense que si on adopte cette vision de David, qui dit que vivre ensemble, c'est comme l'huile versée sur la tête d'Aaron qui descend sur sa barbe, son pectoral. Si on a cette vision-là de l'action du Saint-Esprit dans la communauté, ben, ça va changer profondément nos rapports. Chacun de nous, hein, nous faisons partie de la famille de Dieu par la foi en Jésus. On a été oint par l'Esprit de Dieu et nous partageons une vie commune de ministère ensemble, de service ensemble. On parlait tantôt de serviteurs, hein, la liste des serviteurs. On est tous serviteurs servants. Puis de reconnaître que pour la tâche la plus, qu'on pourrait dire, qui peut paraître la anodin, hein, modeste, comme d'autres tâches peuvent paraître plus importantes, mais en réalité, dans le corps de Christ, tout c'est tout important. Là. Puis c'est toute l'huile du Saint-Esprit qui fait qu'on est mis à contribution dans la communauté, hein, pour le bien des autres. Deuxièmement, David va dire qu'un autre effet, un bienfait d'apprendre à vivre ensemble dans l'unité, c'est que la communauté chrétienne a les mêmes qualités et le même effet que l'abondante rosée du matin sur les pentes du mont Hermon, qui faisait partie d'une chaîne de montagnes sur les côtes du Liban. Le mont Hermon est la plus haute montagne dans cette partie du monde, 9000 pieds au-dessus du niveau de la mer. La rosée est donc un symbole de quelque chose qui rafraîchit. On en a déjà parlé un petit peu, hein? La rosée qui régénère, renouvelle, la rosée du matin. Hein? Par une belle journée d'été, on sort et il y a une rosée. Donc, c'est un symbole du renouvellement. C'est qui régénère. Cette rosée s'étend juste aux pentes arides du mont Sion. Sion qui est beaucoup plus bas. Pourtant, hein, on aurait pensé que la bénédiction vient de Sion et non pas de Hermon. Mais David dit, c'est comme la rosée du mont Hermon qui descend juste sur les montagnes plus basses, les monts plus bas, sur la plaine, puis les arroses, hein, du plus haut jusqu'en bas. Ce qui a fait dire à un auteur du 16e siècle, que dans le corps de Christ, le paysan et le noble boivent tous du même breuvage rafraîchissant et doux, sans distinction. Le noble comme le plus modeste des humains. Les traites des très hautes montagnes et des basses collines sont bénies également par la rosée du Seigneur. Cette rosée, c'est ce bienfait de vivre ensemble dans l'unité de la communauté, est semblable à la rosée qui se répand sur tous. Nous pouvons apprécier et entretenir dans la communauté chrétienne un sens continuellement renouvelé d'optimisme et d'anticipation de ce que Dieu fait avec tous nos frères et sœurs dans la foi. Je veux dire quelque chose, c'est très important. Cette façon de voir, hein, que la rosée nous renouvelle, il devrait y avoir un optimisme parmi nous, les uns envers les autres. Cette façon de voir va nous éviter de s'étiqueter mutuellement et de se stéréotyper. Stéréotyper les autres. Nous sommes souvent coupables d'étiqueter les autres. Pour avoir eu certaines discussions avec plusieurs d'entre vous, on parlait que souvent, vous avez vécu l'expérience d'être évalué par quelqu'un d'autre. Des gens qui ont une rencontre avec quelqu'un, puis tout de suite, on saisit la personne, on l'évalue, puis dit, ah, lui, il est comme ça. Ça me rappelle quelqu'un, en fait, là, la personne est stéréotypée. Faudrait faire l'exercice, faut faire l'effort. De reconnaître cette rosée-là. De par le fait que nous sommes une communauté, loin de l'Esprit de Dieu, cette rosée qui descend sur nous devrait nous remplir d'anticipation envers les autres. Dans le groupe, par exemple, de discussion qu'on a le mercredi soir, où on a des partages, que de fois, j'ai été étonné par la profondeur que certaines personnes apportaient dans leur partage. Okay? Avoir cette anticipation-là, de ne pas dire cette personne-là ne m'apportera pas grand-chose. Il y a certains clichés là, on entend souvent, j'ai entendu souvent dans des communautés, là, c'est quelqu'un, soit une nouvelle personne qui s'ajoute à la communauté. Puis on entend des commentaires comme ça, il va rester coincé dans une ornière. Il n'est pas sérieux dans sa marche avec Dieu. Vous avez déjà entendu celle-là? Il n'est pas sérieux, lui. T'sais? Il n'ira pas loin. Il ne grandira jamais. Fait qu'on n'a pas de temps à perdre avec lui. Ou avec elle. Il ne grandira pas. Ou bien donc, lui, il va se développer rapidement dans le Seigneur. Non, c'est tout des clichés, Moi, ça me lève le cœur. Parce qu'on ferme les gens, on les renferme dans une boîte, dans des préjugés, une évaluation, une étiquette qu'on met sur les gens. Je dirais, comme communauté, faisons l'effort de ne pas faire ça. De ne pas étiqueter les gens, de ne pas évaluer les gens, de ne pas passer une évaluation, puis éviter les commentaires qui renferment les gens pas dans un rendement, mais un comportement, voilà, T'sais, tu peux avoir un comportement une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut l'avoir toute ta vie, ce comportement-là. Là. Faisons l'exercice de ne pas renfermer les gens dans un stéréotype de comportement. Ben, cette compréhension de la fraîcheur de la rosée qui nous rejoint tous nous sauvegardera de cette fâcheuse façon de se regarder les uns les autres en s'évaluant. Alors, au lieu de se renfermer l'autre dans une boîte, on va plutôt penser à cette promesse de Jérémie, dans la lamentation de Jérémie 3, 23, qui dit « Les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque matin. Puis les bontés de l'Éternel se renouvellent pour moi et se renouvellent pour vous. » Troisièmement, c'est une phrase que j'avais soulignée là. Je ne dois pas me voir comme ayant un droit de propriété quelconque sur la révélation ou la puissance ou la sainteté de Dieu. Hein, c'est ça qui fait qu'on renferme les autres. Donc, moi j'ai la recette. Il faut éviter de se voir comme si on avait un droit d'auteur. Un droit de propriété. T'sais? Un copyright. Ma façon de voir est la bonne. J'ai un copyright là-dessus. Non. Troisièmement. Le troisième effet de la communauté est qu'elle est l'endroit où l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. C'est David qui le dit. Dieu réserve à quelque part. Hein? Ce n'est pas pour rien que Jésus dit « Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Je peux être tout seul à la maison à faire mon culte privé. Et puis, Dieu peut me rencontrer là. Dieu peut me rencontrer dans l'autobus, dans le métro, hein? Peu importe où je suis. Mais les Écritures semblent indiquer quand même qu'un élément, il y a un élément spécial, que lorsqu'on se réunit ensemble comme communauté spirituelle, communauté de foi, il y a une dynamique là. Et David dit, c'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Lorsque Jésus dit dans Jean 17, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Dieu. On vient ensemble pour connaître Dieu. Pour s'aider les uns les autres à connaître Dieu davantage. Maintenant, un autre résultat de la communauté chrétienne authentique sera, qu'est-ce qu'on appelle dans le milieu chrétien. On appelle l'évangélisme, l'évangélisation. Jésus va dire dans Jean 17, vous pouvez même ouvrir dans vos Bibles si vous voulez, dans Jean 17. Pas que je l'ai, non, je l'ai sur l'acétate. Tu veux l'avancer, s'il te plaît? À trois reprises, Jésus va mentionner l'unité, le fait d'être ensemble, être unis ensemble. Quel effet ça va avoir sur le monde? Il va dire, ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et que moi, je suis en toi, qu'il soit un en nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Comment est-ce que le monde va croire que c'est Dieu qui a envoyé Jésus? En étant un. En étant uni. Verset. En étant uni. Je te demande qu'ils soient tous un. C'est ce qu'il dit, verset 21. Je te demande qu'ils soient tous un. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un. Et ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé. Hein? Encore une fois. C'est toi. Que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Et que tu les aimes comme tu m'aimes. Que tu les aimes. Nous, mais aussi eux, que les gens du quartier sur la rue de Maisonneuve sachent que Dieu les aime par l'unité, hein, par l'amour, oui, l'amour que nous avons, mais l'unité aussi, que le monde, eux vont savoir que Dieu les aime. La communauté devient attrayante. Attirant. Il faut réfléchir à ça. Est-ce que notre communauté est attrayante? Est-ce qu'elle est attirante? Par nos relations. Jésus semble indiquer que les gens seront attirés à une communion avec lui en raison de la qualité de nos rapports les uns avec les autres. Hmm? C'est ça qu'il dit? On a souvent cru. Hein? On a souvent cru parfois que on pourrait évangéliser, bien que le monde se convertirait si on avait la bonne doctrine. Hein? Si on a la bonne doctrine, les gens vont venir à notre Église. Ou d'autres fois, on va penser que c'est le nombre. C'est le nombre. Si on était 100, 1000, 2000, c'est le nombre qui va faire que les gens vont venir. Mais dans Jean 13, verset 35, Jésus va dire quoi? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour. Ça ne veut pas dire que la doctrine n'est pas importante. Ça ne veut pas dire non plus qu'on néglige le nombre, puis on dit non, on est 30, on reste 30. Hein? Si on peut être 50, on peut être 100. Yes. Mais Jésus est en train de dire qu'un bon moyen, je dis le bon moyen, mais je me trompe là. Je me trompe. Le moyen par excellence. Le moyen par excellence d'évangéliser, c'est les relations. C'est la qualité de nos relations. L'amour, l'unité que nous avons. La qualité de notre fraternité va être une puissante force d'attraction. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai cité un animateur de télévision américaine. C'est un Afro-Américain. Et puis, il est interviewé par rapport à l'élection de Barack Obama. Puis, parce que certains Américains disaient que c'était la fin du racisme, de la discrimination aux États-Unis. Puis, il a dit non, ouais. Non. Puis il a dit cette phrase. Il a dit, America, je vais le dire en français, l'Amérique n'est pas à la hauteur de sa promesse. C'est-à-dire, lorsque les États-Unis d'Amérique ont été fondés, c'était sur une promesse d'égalité, une chance pour tout le monde, aucune discrimination. Puis il dit donc, aujourd'hui, la promesse est toujours là. C'est dans la Constitution. Il y a une promesse là. Mais l'Amérique n'est pas encore arrivée à la hauteur de sa promesse. Et on faisait la remarque, Jules était là, hein, puis on faisait la remarque que l'Église n'est pas non plus à la hauteur de sa promesse. On en a une promesse, là. Jésus dit à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que nous sommes à la hauteur de cette promesse? Je ne crois pas. Hein? Je ne crois pas. Que j'ai même dit que je ne pense pas qu'il n'y a aucune communauté qui est à la hauteur. Hein? D'autres le sont plus, d'autres le sont moins. Mais d'avoir ce rêve de dire, on veut être à la hauteur de la promesse. Là, Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il y avait quelque chose en vue, là. Il y avait une promesse, là. Il y avait une belle promesse. Puis on n'est pas encore à la hauteur de cette promesse-là. Fait que, en terminant, je dirais ceci. Nous devons entendre et réentendre ce psaume. L'entendre puis le réentendre. Le réécouter. Refaire une lecture, comme on l'a fait pendant plusieurs semaines. Oh, tel plaisir pour des frères, tel bonheur que d'être ensemble. Si ce n'est pas un bonheur pour nous d'être ensemble, ben il faut s'arrêter et dire, mais pourquoi ce n'est pas un bonheur pour nous d'être ensemble? Il faut voir, hein, on en a discuté, on a... Pourquoi? Parce que David dit, tel plaisir, tel bonheur pour nous d'être une communauté chrétienne. Fait que, je vous laisse là-dessus que 2010 nous amène un petit peu plus à la hauteur de la promesse.